إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 33. Le cours numéro 33 dans l'explication du livre, c'est un charh de Al-Usul al-Thalatha qui s'intitule إيضاح الثلاث طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول. الشيخ زيد المدخلي حفظه الله. C'est le charh du livre de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on a commencé à énumérer certaines formes d'adoration, formes de ibada, et on a expliqué les détails qui ont rapport avec chacune de ces formes d'adoration là, à l'ibadat. Donc on a au dernier cours expliqué, on a parlé au dernier cours de Al-Khawf, non ça c'est le cours, oui c'est ça le cours précédent, on a parlé de Al-Khawf, Al-Raja, on a parlé de Al-Tawakkul, Al-Raghba, Al-Rahba, Al-Khushu', Al-Khashya, et aujourd'hui on va parler de Al-Inaba. Donc on va commencer par Al-Inaba, c'est-à-dire la repentance ou le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Inaba, معنى Al-Inaba, الرجوع إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات العمر. لأن المؤمن لا يرى نفسه إلا مقصرا مهما بذل من جهد في طاعة الله لعظم نعم الله عليه وكثرتها، فهو مقصر دائما بما تحمل كلمة التقصير من معنى مهما بذل من جهد بالركوع والسجود والتحصيل العلمي والذكر الشرعي، فالعبد مقصر. Donc le cheikh il commence en disant que al-inaba dans la langue arabe ça veut dire le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le retour à Allah à chaque instant de la vie et à chaque moment parmi les moments de la vie. Donc le croyant il doit se voir lui-même comme étant toujours en manquement par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe l'effort qu'il fait dans sa religion. Donc peu importe les efforts que tu fais dans ta religion et tout ce que tu peux faire comme bonne action et tout ce que tu peux faire comme salat ou jeûne ou autre, tu dois toujours te sentir comme comme si tu n'avais pas fait assez ou suffisamment pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu avais des manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de la grandeur des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la grande quantité des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Donc on est toujours dans le manque, et dans le fait de sentir qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on devait faire comme il faut ou suffisamment vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à toutes les grâces qu'il nous a données. Et peu importe, en fait, peu importe comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe combien de salat on fait, combien de jeûnes on fait, combien d'adorations on fait, ce ne sera jamais équivalent à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme grâce. On ne pourra jamais être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on soit reconnaissant envers lui. Donc, on est toujours dans le manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, c'est dans yani, le sens du manquement total vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce que le terme manquement peut avoir comme signification. Peu importe qu'est-ce que tu as fait comme effort pour faire des recours, des soujouds, des prosternations, ou pour chercher la science, ou pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, selon les règles de la sharia, yani, le serviteur d'Allah, il est toujours en manque dans yani, ce qu'il fait comme adoration envers Allah. لأن الله تبارك وتعالى له المنة وله الفضل وله وما من خير يفعله الإنسان إلا والله وإلا ولله المن والفضل والنعمة عليه لأنه هو الذي وفقه لعمل الخير وهداه إليه وحال بينه وبين عدوه الذي يغزوه دائما ويصرفه عن فعل الطاعات ويوبقه في فعل المعاصي. Donc le cheikh il dit pourquoi l'être humain est toujours dans le manque, dans le manquement vis-à-vis d'Allah. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que revient la faveur pour tout le bien qu'on a, et c'est à lui que revient la grâce pour tout le bien que fait l'être humain. Même dans les bonnes œuvres qu'on fait, même quand on fait des prières, des jeûnes, même quand on fait des adorations comme le Hajj ou autre, même ça c'est par la grâce d'Allah qu'on le fait. Hein? Et même quand on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la grâce d'Allah qu'on fait, parce que c'est lui qui nous permet de le faire. Hein? Donc, pour tout, qu'est-ce qui peut nous arriver de bien, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient la grâce et que revient le mérite et que revient yani la faveur dans ça. Et parce que c'est lui qui nous pousse à faire le bien et qui nous amène et qui nous donne le succès de pouvoir faire ce bien-là, et c'est lui qui nous guide vers ce bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas montré qu'est-ce que c'est le bien, on n'aurait même pas su comment le faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le bien. Donc c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le fait, ce bien, si on le fait. Et c'est lui également, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous protège de notre ennemi qui est toujours en train de nous attaquer à tout moment, hein, comme le shaitan. Hein, shaitan qui essaie toujours de nous faire dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est toujours en train d'essayer de nous faire tomber dans la désobéissance, dans les bid'ahs, dans le shirk, dans l'égarement, hein, dans le kufr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve de notre ennemi et il nous aide à rester sur l'obéissance, hein, et il nous détourne, hein, des péchés et ainsi de suite. Donc tout ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le shaitan lui il essaie de nous détourner de l'obéissance et de nous faire tomber dans les péchés. Donc on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ça, et pour tout ça yani, on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وعلى هذا فالعبد منيب إلى الله في كل لحظة من لحظات عمره وبالأخص إذا أصيب بغفلة أو وقع في معصية ما وإذا قصر في طاعة فعند ذلك يلوم نفسه ويستيقظ قلبه أي نعم فيرجع إلى الله عز وجل متكسرا بين يديه ومتعذرا إليه عازما أن على أن يبدل السوء إحسانا وأن يبدل الغفلة استيقاظا وأن يستأنف الحياة لتكون حياة عمل مصحوب بالصواب والإخلاص وصحة المعتقد. Le cheikh il dit que le serviteur il doit toujours être repentant à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque instant de sa vie, et en particulier lorsqu'il est atteint par une insouciance ou une négligence, ou qu'il tombe dans un péché quelconque, hein, ou bien qu'il a des manquements par rapport à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, le serviteur, il doit se blâmer lui-même, se faire des reproches, avoir des remords. Et il doit faire en sorte que son cœur se réveille, hein, se réveille à, yani, à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il sort de son insouciance, qu'il sort de son indifférence, et qu'il reste éveillé vis-à-vis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il se brise, il se casse devant lui, il s'humilie devant lui, hein, il pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon et en s'excusant à Allah subhanahu wa ta'ala de ses négligences, de ses manquements, de ses péchés, de ses insouciances, de ses indifférences et de ses distractions, et ainsi de suite. En ayant la ferme intention et la ferme volonté de dépenser tout ce qu'il peut pour faire en sorte qu'il change le mal par du bien, qu'il change l'insouciance par de l'éveil, qu'il change sa vie pour recommencer à nouveau, pour que sa vie soit remplie et accompagnée de bien, de droiture, de sincérité, de pureté dans son adoration, pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul, et pour qu'elle soit également accompagnée d'une bonne croyance dans, yani, sa religion, c'est-à-dire une bonne aqidah, une bonne conviction, une bonne croyance. Le cheikh il dit ensuite, وَالْإِنَابَةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَوْبَةِ لأنها تتضمن شروط التوبة من ترك المعصية والندم على ما سلف من التقصير ونبذ الغفلة والعزم على فعل الطاعة وعدم العودة إلى فعل المعصية وهذه من شروط التوبة أو من شروط التوبة ولا شك. Donc Al-Inaba, le cheikh il dit qu'en réalité c'est une forme de repentance. Donc le terme repentance en arabe c'est At-Tawba, hein? At-Tawba c'est le terme qu'on utilise souvent pour la repentance, et c'est le terme qui est mentionné dans le Coran, hein? At-Tawba, et ça veut dire le retour. Et dans certains livres d'explication de Al-Usul al-Thalatha, les ulama ont mentionné que Al-Inaba, c'est une forme de Tawbah, mais qui est plus spécifique que Al-Tawbah. Parce que Al-Inaba, certains ulama ont mentionné que la différence entre Al-Inaba et Al-Tawbah, c'est que lorsque quelqu'un fait Al-Tawbah, ça veut dire qu'il s'est repenti d'un péché. Il devient... Il cesse de le faire, donc il demande pardon et il reprend son adoration. Et les ulama ont dit que Al-Inaba, c'est quelque chose d'un peu plus, c'est un niveau de plus, dans le sens que la personne, c'est lorsqu'elle s'est repentie, elle redevient meilleure que ce qu'elle était avant sa repentance. Donc non seulement elle s'est repentie de son péché, mais en plus, elle est devenue meilleure. Elle s'est ce péché qu'elle a commis, ça a créé en lui un remords tellement grand que ça l'a poussé à aller encore plus fort dans sa religion, encore plus loin dans sa foi. Et parfois c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ses serviteurs parfois commettent des péchés pour justement leur permettre de l'ouvrir la porte à la repentance, hein, à la repentance. Donc il y a des gens parfois ils ont commis des péchés tellement grands que ils ont eu un remords tellement grand vis-à-vis d'Allah qu'ils se sont repentis d'une repentance vraiment sincère et vraiment profonde qui a changé complètement leur cœur et leur vie, et qui par la suite sont devenus des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et des gens dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala et sérieux dans leur religion. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala avait si les êtres humains que Allah a créé ne faisaient pas de péché, eh bien, il les aurait détruits, cette création, et il aurait créé une autre création qui font des péchés et qui se repentent. Et qui se repentent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est al-ghafour. Il est al-ghafir. Il aime pardonner. Et donc, lorsque ses serviteurs font des péchés, Allah n'aime pas le péché, mais il aime la repentance. Et la repentance, c'est une ibadah, c'est une adoration. C'est une adoration, donc, quand tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu le fasses. Et ce n'est pas seulement une adoration qui est recommandée, mais c'est une adoration qui est obligatoire. La repentance, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Certains musulmans pensent que c'est quelque chose qui est recommandé. Ils pensent que si tu fais tauba, c'est quelque chose de bien. Mais ils s'imaginent que c'est quelque chose que c'est un plus. Parce qu'ils vivent souvent dans un péché qu'ils font avec consistance. C'est-à-dire avec continuellement. C'est-à-dire ils restent sur ce péché-là. Et ils ne cessent jamais de le faire parce que ce péché-là, pour eux, est devenu comme une habitude. C'est-à-dire, on est tellement habitué de le faire qu'on considère que c'est devenu normal. Que c'est, même parfois, on oublie même que c'est un péché, tellement on le fait. Donc, le fait de se repentir, c'est le moment qu'on a compris que qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah le déteste, et que Allah nous ordonne de l'abandonner. À partir de ce moment-là, on doit prendre en considération les conditions de la repentance. Et c'est de ça que le cheikh il parle ensuite. Il dit, les conditions de la repentance, premièrement, de cesser de commettre ce péché-là. Hein? Supposons, une femme musulmane, elle est grandie dans un pays musulman et ses parents sont musulmans. Pendant 40 ans de sa vie, elle n'a jamais porté le voile. Jamais. Donc, pour elle, ce péché-là, c'est devenu normal. C'est devenu comme une habitude. Hein? Donc, maintenant, pour qu'elle réalise que, premièrement, elle a commis un péché, donc il faut qu'elle ait la connaissance. Une fois qu'elle sait que ça, c'est un péché, maintenant, elle doit arrêter de le faire. Elle doit arrêter de le faire. Une fois qu'elle a arrêté de le faire, elle doit, deuxièmement, avoir le remords de qu'est-ce qu'elle a manqué auparavant par rapport à cette adoration-là et cette obéissance-là. Du fait qu'elle dit, toutes ces années que j'ai passées, que je ne me suis pas voilée, j'étais en train de commettre un péché et je ne l'ai pas fait. Donc, elle doit avoir des remords. Elle doit avoir des regrets. Hein? Et parfois, il y a des gens qui n'aiment pas avoir des regrets ou des remords. Mais ce n'est pas des remords et des regrets qui amènent la personne au désespoir et à perdre l'espoir. Non. C'est des remords et des regrets qui amènent la personne à, justement, céder à devenir meilleure et avoir confiance en la miséricorde d'Allah et en son pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et il est miséricordieux. Donc, c'est pas le remords dans le sens que tu perds l'espoir, tu dis, ça y est, je suis fini, j'ai passé toutes ces années dans le péché, c'est fini pour moi. Non. Peu importe qu'est-ce que tu as fait comme péché, peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la quantité de fois que tu as fait ce péché-là, sache que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand encore que ton péché. Le pardon que Allah subhanahu wa ta'ala a pour les croyants, lorsqu'ils commettent un péché, son pardon, il est plus grand que le péché. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils regardent la grandeur d'un péché, ils disent, ah non, ça c'est trop grave, personne ne va jamais être pardonné pour un péché comme ça. Hein? Et ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Hein? Même le plus grand de tous les péchés, le shirk, si quelqu'un fait tawbah et il rentre dans l'islam, il rentre dans le tawhid, Allah le pardonne. Hein? Donc tous les autres péchés, c'est la même chose. Si quelqu'un demande pardon pour ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Même si quelqu'un il a tué, il a volé, il a fait le zina ou d'autres péchés de ce genre, Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne elle a abandonné ce péché, elle a eu des remords de ce qu'elle a fait, hein, et elle a fait des efforts pour continuer à rester dans l'obéissance d'Allah, et elle a la sincère volonté et la al-azm, hein, al-azm ala fi'l al-ta'a wa 'adam al-'audati ila ma fa'ala min al-ma'siyah. C'est-à-dire que tu dois être déterminé à ne plus revenir à ce péché-là et à ne plus le refaire et à continuer à être dans l'obéissance d'Allah par la suite. Ça fait partie aussi des conditions de la repentance. Donc, peu importe la grandeur de ton péché, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand encore. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ont vécu dans des vies très difficiles ou qui ont des vies qui sont vraiment désordonnées par rapport à des circonstances dans lesquelles ils ont grandi ou dans lesquelles ils ont vécu, que ce n'est pas eux qui ont eu un contrôle sur ça. Des fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça pour une sagesse. Il les a mis dans des circonstances et dans des situations difficiles pour les mettre à l'épreuve. Et par la suite, ces gens-là, ils ont réalisé qu'ils étaient dans le tort et dans le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés et ils se sont repentis. Hein? Donc ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour une sagesse, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle est condamnée, ou qu'elle est finie, ou qu'elle n'a plus d'espoir. Du moment qu'elle demande pardon et qu'elle revient à l'obéissance d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va la pardonner. Et bien entendu, il y en a parmi les moyens qui vont aider la personne à cesser de vivre dans le péché et à rentrer dans l'obéissance. C'est une des grandes choses et une des choses très importantes, et moi je le dis toujours à des gens, il y en a quand ils me demandent à ce sujet-là, c'est de s'écarter de certaines fréquentations. S'ils avaient des amis ou des fréquentations, des gens qui sont en train de les encourager à faire ce péché-là, s'ils s'écartent de ces gens-là, eh bien, ça va les aider à ne plus le refaire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, « Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ayyukum man yukhalil. » Falyanzur ayyukum man yukhalil. C'est-à-dire, un individu sera sur la religion de son ami, ou de celui qui est son ami proche, celui avec qui il est tout le temps. Donc, prenez garde à qui vous prenez comme ami proche, comme ami intime, quelqu'un que vous allez fréquenter. Pourquoi? Parce que vous allez être sur la même voie que lui, sur la même tendance que lui, sur la même opinion que lui, sur la même façon de vivre que lui. Hein? Et c'est pour ça que tu vois que la plupart des hommes, la plupart des gens, ils sont à l'image de ceux avec qui ils se tiennent. Hein, comme on dit le dicton qui est très célèbre, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. C'est pour ça que tu vas voir des gens ensemble qui sont, en général, ils s'habillent pareil, ils parlent pareil, ils pensent pareil. Hein. Donc, tu veux éviter d'être avec certaines personnes pour pas justement commettre certains péchés ou certaines fautes ou certaines formes de dégarement. Écarte-toi. Parfois, il ne faut pas avoir peur de couper les ponts avec certains individus. Si tu vois que la personne, elle ne veut pas changer et qu'elle ne veut pas venir sur le droit chemin, et allez, dans ce cas-là, tu prends ton chemin et puis tu t'en vas sur ton chemin. Tu ne vas pas rester en arrière et couler à cause des autres. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très importantes, surtout dans les sociétés actuelles, dans lesquels on vit, dans les grandes villes, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de mal et beaucoup de péchés qui circulent, qui sont pratiqués par des gens. Et si on ne fait pas des efforts justement pour essayer de se tenir avec les gens du bien et de s'écarter des gens du mal, eh bien on n'arrive pas facilement à s'en débarrasser. Mais ça demande de l'effort, ça demande de l'effort. Surtout quelqu'un qui n'était pas musulman, puis de quitter le milieu dans lequel il était, puis de rentrer dans l'islam, ça aussi, ça demande un effort vraiment difficile pour commencer. Parce que la personne, elle a fréquenté des gens, et elle a connu des gens, elle a fait des habitudes, des mauvaises habitudes avec eux, et là, elle doit laisser ça. Eh bien, il y a des jeunes musulmans maintenant, ici, qui vivent dans le même milieu que certains non-musulmans. À l'école, et à l'extérieur de l'école, ils se tiennent avec des koufars tout le temps, et les koufars, pour eux, le halal et le haram, ça n'existe pas. Pour eux, tout est halal. Donc, pour eux, il n'y a pas de limite. En ce qui a rapport avec les relations hommes-femmes, en ce qui a rapport avec les distractions et les divertissements, pas de limite. Donc, de revenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande de l'effort et du courage, hein, et de chercher la science de la religion pour être capable de se repentir comme il faut. Donc ça, c'est très important. De chercher la science quand on veut se repentir. Et un des bons moyens pour abandonner un péché, c'est d'apprendre qu'est-ce que l'islam dit au sujet de ce péché-là. Parce que du moment que tu vas savoir qu'est-ce que l'islam dit à propos d'un péché, et que tu vas connaître la gravité de ce péché-là, eh bien ça va t'aider et ça va t'encourager à cesser de le pratiquer, ce péché-là, et à revenir à l'islam. Mais si tu restes dans l'insouciance et l'ignorance, ça, c'est quelque chose qui va justement t'encourager à t'écarter. Et puis, donc c'est ça. Donc, toujours invoquer Allah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance et la repentance. Et une fois que tu t'es repenti d'un péché, de demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de te garder dans son obéissance et de te protéger de retourner à l'égarement ou au péché. Donc c'était juste quelques points par rapport à ça. Donc pour rementionner qu'est-ce que le cheikh a dit au sujet des conditions, le cheikh il dit al-inaba fil haqiqa tawba, donc on l'a dit, c'est une repentance. Ça comprend des conditions. Il a mentionné parmi les conditions abandonner le péché, avoir des remords de qu'est-ce que tu as fait, de repousser l'insouciance, d'avoir la détermination de faire les actes d'obéissance et de ne pas revenir au péché une fois que tu t'en es repenti. Ça, c'est les conditions de la repentance. Et donc, c'est la repentance, al-inaba et al-tawba, les deux sont les mêmes conditions. Une autre adoration que le cheikh il mentionne, c'est al-isti'ana. Il dit wa anwa min anwa' al-ibada al-isti'ana. والاستعانة التي لا يجوز أن يصرف إلى غير الله هي الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا صرفت هذه الاستعانة لغير الله فكمن يستعين بمخلوق حي أو ميت على إنجاب الولد أو جلب الرزق أو دفع المرض إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله كما يفعله المشركون والوثنيون إلى وإن كانوا يعيشون بين أظهر المسلمين فهذا الشرك أكبر. Donc le cheikh il explique que parmi les formes d'adoration, il y a le fait de demander l'aide, hein, demander l'aide d'Allah dans quelque chose. On appelle ça en arabe al-isti'ana. Ça vient de يعني العون et طلب العون. الاستعانة ça veut dire طلب العون, c'est demander l'aide, comme quand on dit إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين hein, c'est الاستعانة. نستعين c'est de demander de l'aide. Et le cheikh explique que si tu demandes de l'aide à autre que à Allah dans une, c'est-à-dire tu demandes par exemple à une créature, un être humain, c'est-à-dire tu demandes à quelqu'un autre que Allah de t'aider dans quelque chose que seul Allah est capable de faire, ça c'est une forme de shirk. Hein? Tu demandes de l'aide à autre que Allah, tu as commis un acte de shirk. Le cheikh il donne l'exemple. Il dit comme quelqu'un qui demande de l'aide à quelqu'un qui est vivant ou qui est mort, pour des choses que seul Allah est capable de faire. Comme, par exemple, tu demandes pour un enfant, d'avoir un enfant. Donc il y en a, par exemple, ils vont demander, quand ils ont besoin, les chrétiens demandent à Jésus ou à Marie ou à un saint de l'aider à avoir un enfant. Hein? Il y a un mort ou un vivant, tu peux pas l'invoquer pour demander de te donner un enfant, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te donner, hein, un enfant. Ou bien demander du rizq. Le rizq, c'est Allah qui le donne. Ou bien de repousser la maladie ou la mort. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Donc tu n'as pas le droit de demander ça à un mort ou à un vivant. Hein? Ou de demander à un djinn. Ou de demander à un mort ou une tombe. Ça, tout ça, c'est du shirk. Le cheikh, il dit donc que peu importe laquelle de ces choses que tu demandes, si tu demandes à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là, que seul Allah est capable de faire, donc là tu as fait comme les mushrikines et les wathaniyines. Il dit même ceux qui vivent parmi les musulmans et qui font ce genre de choses-là, ils ont commis une forme de shirk majeur. Donc ça, c'est grave, parce que ça fait sortir de l'islam, ça fait que quelqu'un sort de l'islam. Et le cheikh, il dit وَلِعِظَمِ شَأْنِي وَلِعِظَمِ شَأْنِهَا وَلِعِظَمِ شَأْنِهَا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَصَرَهَا فِي التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أي لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ وَلَا نَسْتَعِينُ إِلَّا بِكَ وَهَذَا وعد من العبد وهذا وعد من العبد وعهد أبرمه بينه وبين ربه فمن وفى له الجزاء الأوفى فمن وفى فله الجزاء الأوفى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. Donc le cheikh il dit, à cause de la grande importance de cette question, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a limité dans le fait de se tourner vers lui. Dans la parole, dans surat al-Fatiha, quand on fait la salat, on dit, on récite al-Fatiha, on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Ça signifie « C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide ». Donc ça, c'est une promesse de la part du serviteur. Et c'est un engagement qu'il prend entre lui et son Seigneur. Donc celui qui respecte cet engagement-là, il aura la plus grande des récompenses. Mais celui qui ne respecte pas son engagement, eh bien, il ne se fait du tort qu'à lui-même. C'est comme s'il n'a fait du tort qu'à lui-même en brisant cette entente et cet accord. « Amma al-isti'anatu bimakhlouqin hayyin fima yaqdiru alayhi al-khalq » مع تعلق القلوب بالله عز وجل واعتبار المعين سببا من الأسباب فقط فهذا لا محظور فيه كأن يستعين بإنسان يعطيك مالا أو يرفع لك متاعا أو يعني يبني لك بناء ونحو ذلك من الأمور التي يستعان فيها بغير الله تبارك وتعالى لأنها ليست من صور الشرك وليست من ضروبه. Le cheikh, il dit qu'en ce qui concerne le fait de demander de l'aide à une créature qui est vivante dans ce que les créatures sont capables de faire, tout en gardant notre cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et de considérer que cette aide de cette personne n'est qu'une cause parmi les causes, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal là-dedans. Parce que, yani, tu demandes de l'aide à un être humain, comme par exemple de l'argent, ou qu'il te donne quelque chose d'un bien quelconque, ou qu'il t'aide à construire une construction ou un bâtiment ou quelque chose de ce genre. Et des choses parmi ces choses-là, on a le droit de demander de l'aide aux gens dans ces choses-là, même si on demande à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là, donc, c'est-à-dire à des êtres humains qui sont vivants et qui sont présents et qui sont capables de nous aider dans ces choses-là, dans ce cas-là, ça ne fait pas partie des aspects ou des formes de shirk, et ça n'a aucun rapport avec les catégories de shirk. Hein? tu dis à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est présent à côté de toi, tu lui dis, est-ce que tu peux, par exemple, me donner une bouteille d'eau, ou des choses comme ça, ou m'aider à ramasser yani, du bois, ou des choses comme ça, n'importe quoi, yani. Donc ça, c'est des choses que c'est correct. Tu peux le demander, et tu considères que cette aide, yani, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a mis là à ta disponibilité pour être capable de faire ce que tu voulais. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu demandes des choses que seul Allah est capable de faire, ou que tu demandes à un mort ou à quelqu'un qui est absent, là ça rentre dans le shirk. Ensuite il mentionne al-isti'aza. Al-isti'aza, c'est le fait de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الذي الاستعاذة ومعناه الالتجاء إلى الله عز وجل وذلك إذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالمعنى التجئ إلى الله وألوذ بجنابه من الشيطان الذي أبعده الله وأخزاه لأنه عدو له وعدو لأولياء الله إذن فالعياذ والالتجاء عمل قلبي يعبر عنه اللسان لا يكون إلا بالله تعالى لأنه هو الذي يسهل الخير ويقدره. الشيخ الذي الاستعاذة سنفي دسو شرشي رفوج عن الله. Chercher refuge en Allah. Et ça, c'est lorsque le serviteur dit « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim ». Je cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan ar-rajim, le lapidé. Et il dit, la signification de ça, c'est « Je cherche refuge en Allah, je me réfugie en Allah subhanahu wa ta'ala et yani, je cherche sa protection ». Yani contre le shaitan, celui que Allah a humilié et éloigné, parce que c'est son ennemi. C'est-à-dire le shaitan, c'est l'ennemi d'Allah et c'est l'ennemi de ses alliés. C'est l'ennemi des alliés d'Allah. Et quand on dit que le shaitan c'est l'ennemi d'Allah, ça ne veut pas dire que c'est un rival à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun rival. Hein? Des fois c'est comme ça que les kuffars parmi les chrétiens, les juifs et les autres, quand ils mentionnent le shaitan, ils essaient toujours de faire comparaison avec comme si Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, le dieu du bien, et le shaitan c'est son opposé, égal, son égal mais son contraire, comme si le shaitan était un dieu, mais un dieu du mal. Non, le shaitan c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les animaux, comme les êtres humains, il fait partie des djinns, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut le détruire en une seconde, il le détruit, comme il peut détruire l'univers au complet en une seconde s'il veut. Il n'a pas d'ennemi dans le sens des êtres humains, quand un être humain a un ennemi, hein? Sauf qu'il est son ennemi dans le sens que c'est quelqu'un qui fait le contraire de sa volonté, dans le sens qu'il appelle les êtres humains à l'égarement et à aller contre son ordre, hein? Donc dans ce sens là yani, Allah subhanahu wa ta'ala le déteste et déteste ceux qui le suivent et qui l'obéissent, et il appelle les croyants à le prendre pour ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans plusieurs versets. Ya ayyuhalladhina amanu, il y a un verset dans lequel inna ash-shaytana lakum aduwwun, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Il dit le shaytan il est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme ennemi. Parce que des fois, quelqu'un, il est ton ennemi, mais toi, tu ne le prends pas comme ennemi, tu le prends comme ami. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afatattakhidhunahu wa zurriyatahu awliya'a Afatattakhidhunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salizzalimina badala » Donc, est-ce que vous allez le prendre, lui ainsi que ses descendants ou sa progéniture, comme des alliés, alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Hein? Et il dit, le shaitan est un ennemi pour vous, alors prenez-le comme un ennemi. إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Il ne fait qu'appeler son parti pour qu'il soit des compagnons de l'enfer, de la fournaise, hein, de l'enfer. Donc lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Il veut juste agrandir le nombre de personnes qui va rentrer en enfer avec lui, et c'est tout. Donc, de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, c'est pas juste quelque chose qu'on doit dire avec la langue. Tu dis A'udhu billah minash shaitanir rajim. C'est quelque chose qui doit être également par le cœur et par les actions aussi. Parce que si tu le dis juste avec la langue, puis que tu obéis au shaitan avec tes actions et avec tes paroles, dans ce cas-là, tu n'as pas cherché refuge en Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Et le shaykh, il dit, إذن فالليعاد والالتجاء. Il dit, الليعاد والالتجاء, le fait de chercher refuge et protection en Allah, c'est une action du cœur qui est exprimée par la langue. Il dit وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et c'est uniquement en Allah que tu dois chercher refuge. Il dit لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُسَهِّلُ لَكَ الْخَيْرُ وَيُقَدِّرُهُ. Parce que c'est lui qui te facilite le bien et qui te l'a prédestiné. وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ التَّصَرُّفَ الْمُطْلَقُ فِي الْعَالَمِ السَّمَاءِ وَعَالِمِ الْأَرْضِ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a en sa main le contrôle absolu de tout ce qui se produit dans le monde du ciel et dans le monde de la terre. Et il mentionne le verset 82 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit son commandement est uniquement lorsqu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, son commandement, lorsqu'il veut ordonner quelque chose, il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Il n'a qu'à lui dire soit et elle est. Donc il ordonne à cette chose-là d'être et il est sur le champ. Elle est, elle existe. Hein? Allah l'a créée par sa volonté, par son ordre. Il dit فَمَنِ الْتَجَعَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَاحْتَمَى بِهِ وَلَاذَ بِجَنَابِهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شِرْكًا أَكْبَرْ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. Donc celui qui s'est tourné vers autre que Allah et qui cherche la protection d'autre que Allah, par exemple, il y a des gens parmi les kuffars, les mushrikins, quand ils ont des dangers ou des problèmes, ils cherchent refuge en une idole, ou ils demandent la protection à une croix, ou une statue, ou à Jésus, ou à Marie, hein, ou bien à une autre idole parmi les idoles des mushrikines. Ça, c'est comme le cheikh il dit ici, celui qui s'est tourné, qui cherche le refuge vers autre que Allah, et qui cherche la protection d'autre que Allah, et qui, demande la protection dans ce que seul Allah peut donner comme protection, et bien dans ce cas-là, il a commis le shirk. Une forme de shirk majeur, qui fait sortir de la religion. J'ai donné des exemples des juifs et des chrétiens ou des idolâtres, mais même parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, dans les pays musulmans, il y en a qui vont chercher le refuge en un shaykh ou une tombe, quand ils ont un malheur ou un problème ou un danger, ils ont peur de quelque chose, ils vont appeler le cheikh au secours, ou bien ils vont demander la protection du cheikh qui est mort et enterré dans sa tombe pour venir les protéger. Ça, c'est du shirk aussi, c'est pas parce que c'est fait au nom de l'islam que ça devient correct. Il y a des gens qui pensent comme ça. Si c'est un chrétien qui fait le shirk, ça c'est shirk. Mais si c'est un musulman qui fait le shirk, c'est pas shirk. Le shirk, c'est juste les kuffars quand ils font le shirk, ça les fait égarer ou tomber dans l'idolâtrie. Mais si un musulman fait le shirk, c'est pas grave. Non, le shirk c'est le shirk. peu importe qui est-ce qui le commet, même s'il se dit musulman ou même s'il le fait au nom de l'islam, s'il commet le shirk, c'est haram. Ça fait sortir de la foi aussi. Donc ça, c'est très important aussi de comprendre ça. Et l'ignorance, c'est très grave. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'hommes sont tombés dans le shirk. C'est l'ignorance. Parce que quand tu vois, par exemple, juste même quand, comme on a mentionné l'exemple tout à l'heure à propos du shaitan, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas qui est le shaitan. Ils ne savent pas qui est le shaitan. Et quand tu ne sais pas qui est le shaitan réellement, et que tu t'imagines que le shaitan, c'est comme un dieu, comme certains qui s'imaginent, eh bien, il y en a qui l'adorent. Il y en a aujourd'hui, il y en a des groupes, des religions qu'on appelle les satanistes, et ça existe. C'est des gens qui adorent le shaitan et qui offrent leur adoration au shaitan directement. Non, c'est pas comme les histoires de sihr ou de vaudou ou des choses comme ça, parce qu'on sait que de toute façon, tous ceux qui font du shirk, quand ils adorent autre que Allah, ils adorent le shaitan. Toute personne qui adore autre que Allah, il adore le shaitan. Peu importe qu'est-ce qu'il adore. Parce que c'est le shaitan qui les a appelés à faire ça. Donc, ils adorent en réalité le shaitan. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yassin, « Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan, innahu lakum aduun mubin, wa an ya'buduni. » Donc, n'ai-je pas pris l'engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi déclaré, un ennemi évident, mais adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais c'est moi que vous devez adorer. Et ça, c'est qu'est-ce que les ulama ont expliqué de ce verset-là. Ils ont dit, toute personne qui adore pas Allah, il adore le shaitan. Parce que c'est le shaitan qui lui ordonne d'adorer autre que Allah. Mais il y en a, ils n'adorent pas le shaitan indirectement, ils adorent directement le shaitan. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ils vouent un culte direct au diable. On les appelle les satanistes. Et ça existe. Donc ça, c'est des gens graves. Et qu'ils s'imaginent, ces gens-là, que le shaitan il a un pouvoir. Et la plupart des gens qui font de la sorcellerie ou des choses comme ça, c'est des gens qui adorent le shaitan aussi. Même il y en a qui le font clair, direct. Ensuite, le cheikh il dit وَمِنَ نُوَعِ الْعِبَادَةِ الْإِسْتِغَاثَةِ الْإِسْتِغَاثَةِ وَالْإِسْتِغَاثَةِ juste en passant, beaucoup des trucs que les enfants regardent, comme des dessins animés ou des choses comme ça. Beaucoup dans ces dessins animés-là, il y a des trucs de diabolique, et de sihr et de sorcellerie et d'adoration du shaitan. Et il propage ça beaucoup chez les enfants. Que ce soit Harry Potter ou bien même des bandes dessinées japonaises là, que les jeunes aiment, comme les mangas ou des trucs comme ça. Beaucoup de ces personnages dans ces bandes dessinées-là, c'est des diables, c'est des démons, ou c'est même de l'adoration du shaitan. Il y en a qui font la glorification de ces choses-là. Donc, il faut faire attention à ça lorsque vos enfants regardent des bandes dessinées, walaykum salam wa rahmatullah, vos enfants regardent des dessins animés, faire attention parce que dans ces bandes dessinées-là, il y en a beaucoup qui, comme je disais, ils appellent à l'adoration même du shaitan et au diable et à toutes sortes de formes de shirk aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Après, le shaykh, il mentionne al-istiratha. Et al-istiratha, c'est le fait d'appeler au secours. D'appeler au secours dans les moments de détresse ou des problèmes, des grands malheurs, des catastrophes, des choses comme ça. Tu cries au secours, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-istiratha. Et le shaykh il dit wa min anwa' al-ibadati al-istiratha. Wal-istiratha ka sabiqatiha talab al-ghawth. On a parlé tout à l'heure de al-isti'ana. On a parlé de al-isti'adha, maintenant c'est al-istighatha. Istighatha, bon, isti'ana c'est talabul aoun, demander l'aide. Et al-isti'adha, hein, eh bien c'est de demander la protection. Hein. Et al-istighatha c'est talabul khawf, de demander, yani, la, le, yani, de, que Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre, hein, nous délivre et nous sauve d'un malheur. Donc le cheikh il dit وهو كسابقتها طلب الغوث وطلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يصرف إلى سواه في جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى كشفاء المريض ورد الغائب وإنجاب الولد وكشف الكروبات وإدرار الرزق وإنزال المطر إلا يستغاث في هذه الأمور إلا بالله وحده فإن استغاث أحد في شيء من هذه المسائل بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك. Donc le cheikh il explique que le fait de chercher le refuge plutôt d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah est capable de faire dans le, par exemple, dans le fait de demander de ramener un bien ou de repousser quelque chose de mal pour nous, dans ce que seul Allah est capable de faire, tu demandes à une créature ou à autre que Allah, eh bien, ça c'est une forme de shirk. Hein, c'est une forme de shirk. Et il donne l'exemple, comme par exemple, yani, guérir un malade. Ou de ramener quelque chose qui est perdu, on a perdu quelque chose, ou d'obtenir un enfant, ou de nous délivrer d'un malheur, ou de nous donner une forme de subsistance ou de risque, de faire tomber la pluie, des choses de ce genre. Ça, c'est seulement Allah qui est capable de le faire, et on n'a pas le droit d'appeler au secours autre que Allah dans ces questions-là. Et le fait de le faire, c'est-à-dire le fait d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là ou dans des moments de détresse, eh bien ça c'est du shirk. Si c'est shirk en temps d'aisance, c'est shirk aussi en temps de détresse, dans les deux cas. Et les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient dans les moments de détresse, ils invoquaient uniquement Allah. Puis quand ils étaient dans les moments d'aisance, c'est là qu'ils faisaient le shirk. À notre époque, il y a des gens, parmi des gens qui même disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » qui font la salat et qui donnent la zakat, et même qui font le hajj aussi. Et quand ils sont dans des moments d'aisance ou de détresse dans les deux, ils invoquent autre que Allah, ils appellent au secours autre que Allah. Il y en a quand ils ont un malheur ou quoi, ils appellent, ils disent « Ya Rasulallah hein? » Ils invoquent le messager d'Allah. Ou bien ils disent « Ya Cheikh, Ya Abdel Qadir, Ya Ahmed Tijan hein? » Ils appellent le nom de leur cheikh, de leur tariqa, dans les turqs soufiya ou des choses comme ça. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Hein? Même que tu vas dans certaines mosquées, même ici à Montréal et dans d'autres pays, même en Inde ou au Pakistan, et il y en a de ces groupes de soufis ici, même à Montréal. Je suis rentré dans une mosquée une fois, j'ai vu ça. Sur le mur, ils ont écrit « Ya Allah » et à côté, ils ont marqué « Ya Muhammad ». Hein? Donc ça, c'est comme si tu mets Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité, comme si tu appelles Allah et tu appelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un dieu. Hein? Donc ça aussi c'est du shirk. Alaykum salam wa rahmatullah. Mais on n'a pas le droit d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer dans les moments de détresse ou de lui demander de nous sauver ou des choses de ce genre. Ni lui. Et si on n'a pas le droit de l'invoquer lui en dehors d'Allah, eh bien encore moins ceux qui sont en dessous de lui parmi les autres. Les autres hommes pieux ou les awliya ou les salihin ou ainsi de suite. نعم. donc le cheikh il dit ensuite وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه صبيحة ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. c'est un hadith قدسي. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فإسناد النعم وطلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع الشرك التي حذر منها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. نعم. donc le cheikh il explique ici, il dit pour terminer que le prophète صلى الله عليه وسلم il mentionne à ses compagnons dans un yani le matin, il dit ça aux sahaba le matin parce qu'il y avait eu de la pluie durant la nuit. Donc il mentionne un hadith, c'est un hadith Qudsi. Il dit « Ce matin, mon serviteur croyant s'est réveillé. Ce matin, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyants et d'autres mécréants. Celui qui a dit « On a eu de la pluie par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, alors il a cru en moi. » Et il a renié les étoiles et les astres et les constellations. Tandis que celui qui a dit « On a eu de la pluie à cause des astres et des constellations », alors il m'a renié, il n'a pas cru en moi et il a cru en les astres. Parce que dans la Jahiliya, avant l'islam, les Arabes croyaient que la pluie tombait à cause des étoiles, à cause des constellations. Et que ça avait une influence sur la pluie. Et yani, l'islam est venu nier cette croyance-là et venir affirmer que tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle et c'est lui qui fait tomber la pluie. Donc, dans ce hadith-là, on a la confirmation de ça. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer les grâces hein, ou de demander le secours à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de faire ça, ça fait partie des plus grandes formes de shirk que l'islam a interdit et que le Coran est venu interdire et avertir contre ceux qui le font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a mis en garde contre ça dans la sunna, dans sa sunna authentique. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui par rapport à ce point-là. Et on continuera, inshallah, au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.